pas peur des ennuis. Il achète seul ses habits. Il a fait seul son réseau. On l'apprécie, c'est un vrai. Il est réglo dans le business. Il vend du shit, pas de la cesse. Il aime le cross tout en I. Il aime le monde de la nuit. Il te laissera pas pour un plan. Il aide tout le monde, c'est comme ça. Il vit comme si c'est un pot. Il reconnaît les crames tous. Il passait l'été au bled. Maintenant il veut riche au steak. Change jamais devant l'espèce. Pour ça que les gens ils le blessent. Il est rempli de balles. Et les rumeurs ils se disent que c'est un vaillant, il nique tout. Plus petit que moi mais mature. Il a grandi à la dure. Il a goûté la ceinture. Lui il vis-à-vis fait du mal et du bien. Console comme il peut chez le tonton du coin. Les meufs parlent de lui même quand il demande rien. Il est trop à l'affût, elle tombe comme ses frangins. Les meufs parlent de lui même quand ils demandent rien. Ah la la la la. Il est trop à l'affût, assume comme ses frangins. Ah la la la la. Mélange pas tout le monde. Il déclenche direct un coup. Il connaît par cœur la haine. Il était à deux doigts de mourir. Il se mélange pas tout le monde. Il déclenche direct un coup. Il connaît par cœur la haine. Il était à deux doigts de mourir. Lui